Parmi les travaux et les exercices volontaires par lesquels Socrate cherchait à s'aguerrir contre la souffrance, voici, dit-on, une des épreuves singulières qui s'imposait. On prétend que souvent il restait debout, dans la même attitude, la nuit, le jour, d'un soleil à l'autre, sans remuer les paupières. Immobile, à la même place, les regards dirigés vers le même point, plongé dans des pensées profondes, comme isolé de son corps par la méditation. Telle était aussi, dit-on, sa tempérance, que jamais il n'éprouva le plus léger dérangement dans sa santé. Pendant cette peste, qui, dans le commencement de la guerre du Péloponnèse, dépeupla la ville d'Athènes, Socrate, grâce à sa sobriété, à l'égalité de son genre de vie, à son éloignement des plaisirs, à la force de sa santé, échappa facilement au fléau destructeur qui frappait tout le monde.